C'est ça, il y a 1h20, donc il faut qu'à midi, midi, c'est parti. Qu'on soit parti. Parti à midi. Non, parti d'ici. On a 10 minutes pour aller à la voiture, parce que 1h20, c'est 13h30. Allez, on mange tout de suite. Allez, on y va, on va bateau. On va faire sa couche, elle mange, on est parti.